Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 9ème émission des podcasts de VR4Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette 9ème émission, je suis accompagné de Laurent. Salut Laurent. Salut, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien toi? Oh, ça va, toujours. Impec. Ensuite, nous avons Sébastien. Salut Seb. Salut Sei. Salut Laurent. Hello. Et enfin, nous avons Cilion. Salut Cilion. Salut Cilion. Salut Sei, je vais y arriver. Cilion, c'est toi. Hein. C'est ça, mais avec ces noms de code qui commencent tous par S, on s'y perd. Sébastien, Cyril, n'est-ce pas, avec un S aussi, Spanx. Donc maintenant, on va t'appeler Pilion. Je pense que ça sera très très bien. j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette émission, en fait, on va parler de deux jeux auxquels on a joué dernièrement, qui sont rentrés en phase de test, qui viennent de sortir en janvier. Mais avant cela, vu que c'est début 2019, on va commencer par un petit bilan de 2018, et c'est l'ami Cilion qui va s'en charger. Bah oui, c'est le mois de janvier, c'est le moment de faire un petit peu leur du bilan. En tout cas, je parle des ventes, hein, pas du catalogue qualitatif qu'on a eu cette année. Mais des bons gros chiffres, encore que gros sur le PSVR, tout est relatif. Mais voilà, il y a eu les listes habituelles, les top 10, voire top 20 des meilleures ventes aux États-Unis et en Europe. Mmh. Et on était quand même surpris de voir que le premier c'était Beat Saber, alors que le jeu est sorti au mois de novembre seulement, donc mois et demi. Bon, il est sorti au bon moment aux États-Unis puisqu'il est sorti la veille de Thanksgiving. Et puis il y a eu l'effet Noël derrière et c'était le jeu le plus attendu du catalogue cette année. Et le deuxième quand même, celui qui veut partir à la retraite, Job Simulator. Encore lui. Ce qui est quand même... Encore lui. Il est offert, non ? Il n'a jamais été offert, mais il a changé de tarif. Il a quand même eu 50% de remise l'année dernière. Donc ça aide pour sa deuxième vague de cette deuxième année, mais Job Simulator, c'est à croire que c'est le jeu préféré des premières fois en VR avec Worlds, PlayStation VR Worlds. Pour tester, pour s'amuser aussi, c'est utilisable avec, enfin c'est jouable avec les moves et ça permet de tester en fait ton matos directement sans trop te prendre la tête en faisant des trucs complètement débiles quoi. Les gens aiment bien ça apparemment. Oui, comme Astro Bot, c'est un jeu que tu peux jouer à n'importe quel âge. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont peut-être pas l'âge requis qui jouent ça. Et qui adorent et qui refont tout le temps les mêmes niveaux. Ils adorent rigoler, faire n'importe quoi. Je confirme. Ah, tu vois, peut-être que tes enfants... Par contre, il est jouable uniquement au PS Move, donc ça limite normalement les parts de marché. Et pourtant, voilà. Mmh. Incroyable, Job Simulator, il fallait quand même le dire, le souligner. C'est toujours un... la meilleure vente aux États-Unis et le deuxième en Europe. La petite parenthèse sur Job Simulator, si on parle des enfants, je vois ma fille qui a 7 ans, chaque fois que je lui mets un casque VR sur la tête, elle dit elle a peur, parce que les rapports d'échelle, ça la fait flipper. Et à chaque fois que je lui dis tu veux jouer, elle me dit tout de suite soit Astro Bot, soit Job Simulator. Et pourquoi Job Simulator? Parce qu'elle peut cuisiner. Ah, ouais. Bah ouais. Donc elle a ses petites casseroles, elle a ses petits machins, et là tu l'as par contre. Elle est capable de faire de la VR pendant, c'est moi qui l'arrête parce qu'elle s'arrête plus quoi. Pendant 5 heures de suite à 7 ans, c'est pas mal. Si tu l'arrêtes pas, elle passe son après-midi avec le casque. Ah bah voilà, on a compris alors, c'est ça en fait l'explication. Voilà, puis ensuite les suivants, c'est pareil, hein, Super Hot qui continue de caracoler en tête, 3ème position partout. Aux États-Unis, donc on a le fameux Worlds, Skyrim en Europe qui marche très bien encore, Batman Arkham VR, finalement des premiers jeux hein, du catalogue qui des sont valeurs sûres au début. En fait voilà et c'est seulement Astro Bot qui apparaît dans les nouveautés à la 6ème place ensuite hein, bien sûr après Beat Saber en première position. Robinson en Europe qui a vraiment cartonné depuis qu'il est sorti voilà c'est quand même un beau succès finalement l'effet Dino 8ème position Moss 9ème Rick and Morty hein, qui a vraiment cartonné cette année aux États-Unis aussi, celui-ci. Et puis bon, après, Arizona, Farpoint, etc. Moins de surprises, on va dire. D'accord. Ouais, effectivement, un palmarès du coup qui est pas très pas très surprenant. Tetris, il est tu dis qu'il était dans le top aussi celui-là? Non, il n'est pas comptabilisé parce que c'est un jeu PS4 compatible PSVR. C'est pour ça que d'accord. tu ne verras pas ni Resident Evil, ni Wipeout dans ces tops, hein, c'est logique. Hein. Ouais, enfin ça redistribue Voilà. un petit peu les cartes quand même parce que c'est des jeux qui peuvent être exclusivement utilisés avec le PSVR, ces trois-là. Mais oui, mais comment tu fais pour quantifier ça? Si quelqu'un l'achète uniquement pour sa télé, tu vas pas le mettre dans le top de PSVR. Ouais, enfin. Même si c'est une famille Ouais, PSVR, je sais mais pas, non. vu que les consoles maintenant sont tout le temps connectées, on sait que sur residentevil.net, ils savent, Capcom, c'est exactement le Ah, nombre de personnes c'est ce qui que j'allais utilisent dire. le casque et ceux qui jouent en plat. Sur Donc, c'est pour ça. Non, mais ouais, Capcom. Capcom, ouais. Sur Resident Evil 7, il te demande la première fois que tu joues si tu veux C'est vrai. t'enregistrer et si tu veux indiquer que tu joues avec le C'est casque ou vrai. pas. Et t'es pas obligé de le faire. Et il y a beaucoup de gros cons comme moi qui ont Non, passé vous ne cette m'espionnerez pas, vous ne saurez étape-là. jamais comment je joue. Alors que j'ai jamais joué sur ma télé, quoi. D'accord. Donc il y a vraiment de tout. Et dans les petites surprises aussi, il faut signaler donc 17e Firewall Zero Hour. Donc ce sont les ventes sur le store uniquement, je précise bien. Pas en boîte, donc. Ouais. Donc on pourrait dire, ah mince, Firewall finalement c'est pas si bien vendu que ça. Et on va pas être si catégorique parce qu'en fait quand on regarde d'après NPD Group, hein, en fait ils font plein d'études de marché, c'est les leaders là-dessus, ils ont indiqué que Firewall Zero Hour serait le jeu en dollars, hein, qui se serait le mieux vendu de l'année. Donc ça inclut les ventes physiques et digitales. D'accord. Hein, c'est le premier, suivi de Farpoint et de Bravo Team en troisième position, et enfin seulement Astrobot, qui était souvent vendu en bundle, en digital et en boîte. Donc voilà, mais après ce sont des estimations, on ne peut pas vraiment les vérifier. Et ça concerne que les États-Unis aussi. Hein. D'accord. Ah ouais, ok, donc Bravo Team arrive à s'en sortir quand même pour l'année 2018. Ah mais Bravo Team, il a cartonné en Angleterre forcément, en Europe plutôt bien, et puis bah, on constate qu'aux États-Unis aussi, hein, il est sorti aussi à un moment qui Il n'y était avait pas grand-chose. idéal pour lui, un jeu AIM, le premier gros jeu AIM contrôleur compatible. On va pas compter DQuile, même s'il était finalement bien mieux. Et donc voilà, Bravo Team, il a très bien fonctionné. Il est 20e dans le top des jeux téléchargés. Donc, et c'est plutôt un jeu que tu achètes finalement en bundle avec Claim, hein, en physique. Et il apparaît. Non, il apparaît pas aux États-Unis dans le top des jeux téléchargés. Et donc l'autre surprise, hein, après Firewall, donc avec sa place qui finalement n'est pas si mauvaise, 18e place en Europe, hein, pas aux États-Unis, hein. Creed, le jeu de boxe à la Rocky, là. Hein. Donc, très bonne performance pour Survios. On est très content pour ce studio qui monte. Et Creed qui va être enrichi d'une nouvelle mise à jour. Et bien sûr, je ne vais pas me souvenir de son nom, le boxeur Black qui. Apollo Creed. Merci, le papa. Ah, Voilà. ouais, c'est ça. C'est ça, Apollo Creed. Qui a l'air d'être très bien digitalisé. Enfin, ça a l'air d'être fun. Et Creed, finalement, pour le petit prix en solde, il doit être à 12-13 euros. Bah après, tu as plein de mises à jour régulièrement. Hein, donc, c'est super sympa. D'accord, donc il y a quand même des sportifs en Europe. Ouais, C'est pas mal. c'est ça. C'est pas mal. Ok, bon bah du coup t'as fait le tour pour les chiffres. Ah ouais, maintenant je me tais. Allez, je vous écoute. Tu tais? Ah, c'est bien ça. Donc la meilleure partie de l'émission, quand sinon on se tait. On va enchaîner avec un jeu qui est pas mal attendu par la communauté sur PSVR, qui en fait rêver beaucoup. Et quelle magnifique Oh, que transition. c'est beau. C'est Dreams. Et c'est Laurent qui va nous en. Dreams. Alors, Dreams, je pense qu'il y a pas mal de monde qui nous suivent, qui savent déjà ce que c'est que Dreams, parce que de toute façon, il provient d'un studio qui est relativement connu, un studio anglais qui s'appelle Media Molecule, qui est à l'origine des jeux Little Big Planet et un peu plus tard Tearaway, les petits personnages en origami, qui étaient sortis sur Vita et PlayStation. Donc c'est un jeu qui a été annoncé au PlayStation Meeting en 2013. Donc ça fait déjà 6 ans que le jeu est en développement. Et là, apparemment, bah, on n'est pas loin, vu qu'il y a une bêta le mois dernier, qui a été mise à disposition pour avoir des retours de joueurs. Présentation de Dreams, pour ceux qui découvrent, c'est le même principe un peu que Little Big Planet, dans la mesure en fait le studio Media Molecule ont toujours souhaité créer un jeu avec une partie qui permettrait de créer des nouveaux tableaux à ce jeu. Après, ces nouveaux tableaux sont mis en ligne et en fait en achetant le jeu on se retrouve avec plein de jeux en fait. Voilà, c'est le concept du truc. Et Dreams, bon bah certainement ils l'ont appelé Dreams justement parce qu'ils avaient déjà communiqué sur Little Big Planet en disant que leur rêve c'était justement de concevoir un jeu pour créer des jeux, et qu'à l'époque la PS3 c'était limite niveau puissance pour se le permettre. Et donc c'est vraiment une évolution, ils vont au bout de leurs objectifs et c'est vraiment une évolution de Little Big Planet. Alors là par contre on efface l'ardoise totalement, on va pas retrouver Sackboy, on va principalement se retrouver face à deux interfaces. D'un côté on va proposer des jeux aux joueurs. Donc le joueur qui achètera Dreams, il aura des tonnes de niveaux et des tonnes de tableaux pour vraiment jouer, qui seront développés par Media Molecule. Et puis une autre partie, qui est apparemment la grosse partie du titre, qui va être un éditeur de jeux vidéo, un éditeur, et puis pas seulement de jeux vidéo, de musique, de courts-métrages, montage vidéo, c'est quelque chose qui est assez hallucinant. Dans cette deuxième partie, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, c'est-à-dire carrément créer un personnage, lui créer un squelette pour pouvoir le déplacer, créer son environnement, mais aussi également jouer avec la physique, ajouter une bande son, faire du montage. Et donc une fois que vous aurez fait votre création, elle va être mise sur le serveur pour toute la communauté, et puis les autres joueurs pourront, par exemple, s'ils voient qu'il y a une voiture sympa qui a déjà été modélisée, ils pourront piocher la voiture, ou même apporter des modifications, récupérer votre niveau pour le modifier et l'améliorer. Le concept est là, et après donc les jeux qui seront bien avancés, de toute façon je pense qu'ils vont finir après dans la partie jeu, comme Little Big Planet, où on avait accès à des tonnes de titres. La partie VR, donc, elle a été annoncée officiellement, donc le jeu sera bien compatible PlayStation VR, mais pour l'instant, au niveau de la bêta n'est pas en réalité virtuelle. On n'a pas accès à ça. Une autre chose qui est très intéressante pour Dreams, c'est que ses développeurs ont annoncé qu'ils souhaiteraient que leur jeu ait une durée de vie de 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dreams sera cross-gen et qu'il sera forcément également sur PlayStation 5. Vaste phrase veut dire ça. Voilà. Donc 10 années de vie. Et donc si on en parle aujourd'hui, c'est justement cette fameuse bêta qui est disponible depuis un mois. Il y a eu pas mal de joueurs qui se sont plaints parce qu'ils s'étaient tous inscrits avant le 15 décembre à la newsletter pour figurer dans la liste des heureuses personnes qui allaient avoir l'occasion de tester avant tout le monde cette bêta. Et puis du coup, ils ont relancé une deuxième fournée d'invitations parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde qui l'avait eu la première fois. Alors, concernant cette bêta, de toute façon, c'est clair et net, quand on démarre la bêta, on a trois personnes du studio de Media Molecule qui nous disent clairement que c'est quand même leur travail de 6 années. L'objectif d'une bêta, ça reste d'essayer et de faire remonter tous les bugs, de faire remonter tous les dysfonctionnements du jeu pour avoir enfin une version définitive sur laquelle il n'y aura pas trop de soucis ou trop de bugs. Ils insistent vraiment dès le départ sur le fait de ne pas en parler. Donc ça, c'est mentionné un peu de partout. Alors, il y a une DNA qui est signée entre Media Molecule et le joueur qui reçoit le code de la bêta. Donc c'est écrit de partout, c'est écrit sur le site de Media Molecule, c'est écrit, ils en parlent dans la démo, c'est écrit aussi au début, de ne pas partager, de ne pas balancer sur YouTube, toutes ces choses-là. Bon, c'est un minimum de respect pour des personnes qui travaillent depuis plus de 6 ans sur ce projet. On va pas aller plus loin, on va pas en parler plus que ça, je vais pas vous décortiquer ce qu'il y a dans la bêta. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu, il promet vraiment, c'est même très impressionnant, et que là maintenant j'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte. Voilà. Sur la partie création, c'est un logiciel complet qu'on va avoir sur nos PlayStation 4. Les possibilités sont immenses. De plus, le titre est compatible VR, ce qui veut dire qu'on va pouvoir même créer des expériences en réalité virtuelle à partir de Dreams. C'est certainement un titre incontournable pour tous les joueurs PlayStation. Les joueurs qui n'ont pas envie de s'embêter à créer pourront profiter de toutes les créations de la communauté, ce qui leur fera des expériences gratuites régulièrement au prix d'un seul jeu. Et puis ceux qui ont un peu plus la fibre artistique et qui sont passionnés par ce genre de choses, ils vont clairement s'éclater. Il n'y a pas d'autre mot, je pense que les joueurs sur PC vont nous envier Dreams. Tout à l'heure, je disais que le jeu allait avoir une durée de vie de 10 ans. Les développeurs ont également annoncé que sur ces 10 années, le développement du jeu allait se passer en deux phases. Première phase, un jeu qui sera exclusif à PlayStation, mais ils ont parlé d'une deuxième phase éventuelle qui sera une phase d'exportation. Donc ils n'en ont pas plus dit, on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire une phase d'exportation. C'est fort probable qu'on puisse exporter le contenu de nos créations dans Dreams et après pouvoir les remodifier. Alors je parle du son, de pouvoir remodifier sur un logiciel le son ou de récupérer les créations en 3D pour pouvoir les remodifier dans un logiciel 3D. En tout cas, ils ont prévu une deuxième phase d'ouverture au jeu. En conclusion, Dreams, ça fait des années que je l'attends. Déjà, quand Little Big Planet était sorti, j'avais bondi sur le titre. J'ai pas été déçu comme beaucoup, je pense. Là, c'est le niveau au-dessus. Au niveau de la communication, c'est vrai qu'ils ont vraiment énormément communiqué sur le concept de création de jeu. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont mis plus en avant le concept de création plutôt que le concept de jeu. Je pense que tout ça va s'inverser quand ils vont réellement lancer Dreams. Pour justement montrer tous les jeux qui ont été créés par Media Molecule. De toute façon, il n'y a pas de secret, il vaut mieux attirer le joueur en premier et puis proposer aux joueurs créatifs de pouvoir modifier des choses plutôt que de mettre en avant à tout prix l'aspect créatif et de louper énormément de ventes parce que du coup, les joueurs, ça peut leur faire peur, ceux qui n'ont pas envie de créer. Si le jeu est vendu et que la communauté elle suit, c'est sûr que ça va être un carton plein. On attend et puis vivement qu'il arrive. Ok, bon, en tout cas, voilà, on vous a fait donc le retour sur la bêta, sans la version VR, on le rappelle, on en saura bien plus, je pense, dans les mois à venir, quoi qu'il en soit, et puis on vous en reparlera quand on aura quelque chose d'un peu plus concret, je pense, à vous dire là-dessus, parce que c'est un jeu qu'on suit et qu'on attend tous de pied ferme. Un autre jeu que tout le monde attend de pied ferme sur PSVR, c'est Sharknado VR. Eye of the Storm, qui est. Pff, ouais, bon, pff, ouais. Putain, le mec, il se lance lui-même en plus, quoi. T'as vu ? Et c'est ça, le professionnalisme. Sharknado VR, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me demander. Mais c'est quoi, Sharknado oui, qu'est-ce que c'est donc ? Mais qu'est-ce donc ? Eh bien, je vais vous répondre, les amis. C'est un wave shooter, en fait, tiré de la fameuse licence de film, de téléfilm, Sharknado. C'est des espèces de nanars, de faux nanars en fait, c'est des films qui ont été mal faits exprès. C'était un petit peu bizarre, un nouveau concept en fait dans le milieu du cinéma. Et donc, Autumn VR, qui s'est occupé du développement, a eu la bonne idée de nous faire un jeu VR sur cette licence. Le problème c'est que le jeu est mal fait, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment fait exprès. Graphiquement ça ressemble à Postal 2 qui est sorti en 2003 et même dans l'ambiance un petit peu, c'est texturé de la même façon, c'est modélisé de la même façon, c'est animé de la même façon, c'est dégueulasse maintenant, il n'y a pas d'autre mot, et c'est un wave shooter en fait où vous allez être au milieu, enfin dans l'œil du cyclone et vous prendre des vagues et des vagues de requins, de poulpes, de caisses, de tout ce que vous voulez qui va vous tomber sur le coin de la gueule, et avec différentes armes comme des pistolets, une tronçonneuse, une mitrailleuse, un fusil à pompe, enfin voilà, tous les gros classiques, et ben vous allez devoir scorer et survivre à chaque vague, récupérer des bonus, faire le plus de points possible, et essayer de survivre, et puis passer les niveaux comme ça, il y a quelques niveaux, je crois qu'il y en a 5 ou 6, un truc comme ça. Mais le problème c'est que c'est extrêmement ennuyeux, c'est pas très palpitant, ça fait très... C'est très old school, ça a un esprit un petit peu cynique quand même. Par exemple, il y a plein d'éléments perturbateurs qui peuvent arriver. Par exemple, on voit une bonne femme en train de voler dans sa baignoire au bout d'un moment, ou alors une cabine, des toilettes publiques qui volent aussi devant toi. T'as King Kong qui vient de dire bonjour. T'as Donald Trump qui traverse la map dans ses bagnoles blindées. Il y a plein de trucs comme ça en fait qui sont marrants, qui sont gentiment pimentés, on va dire. Mais voilà, mis à part la blague, en fait c'est une blague à 15 balles. Ça se joue comme un FPS classique, en tout cas moi je l'ai testé sur WMR avec les sticks et ça se joue assez bien, les déplacements sont libres. Je suis curieux de voir comment ils vont se démerder pour transposer tout ça avec les PS Move. On leur laisse un petit peu le bénéfice du doute. J'ai pas été ultra emballé, voilà, c'est une petite expérience. Bon bah voilà, si t'es fan du film, pourquoi pas. Si t'aimes les nanars, pourquoi pas. mais c'est pas un jeu que je conseillerais nécessairement. En tout cas, on en reparlera quand il sortira aussi sur PSVR. Ça, c'est fait. Oh. Ouais, mais il y a des requins. Ouais. Quoi. Ça fait tout l'intérêt du jeu. Il y a des requins, mais ils sont tout mous, les requins. Ils sont tout mous. Ils sont ouais, tout, mais tout attends, frais, ils sont hors de l'eau. Ils sont sortis de l'eau, les requins. Ouais, c'est ça, ils sont en dehors de l'eau. Et petite précision aussi sur la version PC donc, qu'on a testé avec Spanx. Nous, en fait, on a, on a quand même des bonnes configs, mais ça n'empêche pas qu'une fois que tu as passé l'introduction du jeu, le chargement du niveau, et ben, le jeu plante. Et tu dois relancer le jeu pendant au moins 3 ou 4 fois avant d'arriver à le lancer efficacement. Mais forcément, c'est un nanar jusqu'au bout. Ah ouais, non mais mec, là c'est là faut vraiment être motivé hein. Spanx, il a lâché l'affaire, il avait l'impression que son PC allait fondre au bout d'un moment, en plus c'est un espèce de bruit super strident, désagréable, dégueulasse. Je comprends pas ce genre de truc, je sais pas, je suis curieux en même temps de savoir ce que ça va donner sur PSVR, si Sony déjà va valider ce genre de truc. C'est la bonne question, ouais, est-ce que ça va passer, ouais. Ils ont déjà validé bien pire, hein, Lunar Stone, ils l'ont validé, donc pourquoi pas, hein. Apex Tunnel ou X Tunnel aussi, ils l'ont validé, donc après ils sont capables de tout, mais voilà, c'est bof, Sharknado. Ah, je pensais à cause de la violence du jeu, moi. Mais okay, non, ouais. Je pense qu'il y a pire en plus. Bah non, il y a Resident 7 sur PSVR, c'est un petit peu gore, mais tu vois, c'est pas... C'est cartoon, débilos, gogol. Est-ce que ça va servir le catalogue, surtout ? Clairement non. C'est ce qui fait peur, c'est la multiplication de ce genre de choses pour combler les trous. Du coup, le catalogue, on le dilue en qualité. C'est ça. Voilà. Autant rester avec moins de jeux et plus meilleure qualité sur console que de ce... Ce qui me fait peur, c'est que si t'en laisses passer un, que derrière, il y a tout le monde qui tente et qu'au final, on se retrouve avec 30 ou 40 trucs un peu bizarres qui arrivent sur PSVR. Un peu bâclé, ouais. Et après, c'est vraiment mon opinion. Et après, tu vois aussi les vidéos de promo de ce jeu-là. Tu vois des gens manifestement qui sont pas du tout habitués à la VR, qui trouvent, qui surkiffent. Il y a des requins qui me tombent dessus, c'est marrant, j'ai l'impression que je peux les toucher et tout. C'est pour ça, pour débuter, pourquoi pas. Je laisse toujours le bénéfice du doute, hein, mais vraiment. C'est toujours pareil, une petite compile de trucs dans ce genre. Tu mets plusieurs. Tu le fais tomber à 5€, ça peut être drôle un moment. Je vais m'amuser. Donc après, ça dépend vraiment du prix. Donc voilà. Pour commencer, je préfère encore Jobs Simulator. Ah oui, parce que Jobs Simulator, il n'est pas si bête que ça. Ouais. Et quand tu l'essayes, il est plutôt pas mal même. Hein. Traître. Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas... Sous ses apparences simplettes, quand il est sorti, c'était quand même... C'est différent et c'est... Ah bah... Ouais. C'est un jeu polish. Quelque part, partout, il est comme il faut. Hein. Bon, graphiquement, il est hyper simple, mais c'est pas trop aliasé. Ça fonctionne. Ouais. Mais ça va pas trop loin, mais ouais. C'est mieux réalisé que Sharknado. C'est aussi un gros problème, ouais, la réalisation de ce jeu. Hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on a mis sur la chaîne YouTube avec Spanx. Tu regardes la modélisation des décors. À un moment, t'as une espèce de car qui est tout défoncé sur le bas-côté. C'est un accordéon, le truc. C'est un accordéon plié en quatre et voilà, mais c'est naze. C'est vraiment naze. C'est aussi naze que notre intro en fait dans la vidéo. Ah, c'est pas bon quoi. C'est... donc voilà, Sharknado, on en reparlera. On attend avec impatience. Voilà. Ou pas. Moi je croise les doigts. Voilà. Ça va être trop bien. Et tu feras le test aussi, longtemps, ça va te faire les pieds. Ouais, c'est ça. Ensuite, un jeu qui est enfin sorti sur PS4. Et là, vraiment, que tout le monde attendait, même si on avait quand même pas mal de réserves dessus. Quant à son contenu, c'est S-Combat 7 et c'est Sébastien qui va nous en parler. Eh bien, donc Ace Combat 7, on a pu le tester, je crois qu'on est 3, non, à avoir pu le tester. Ouais. Il y a Cyril, oui, Pierre, Sébastien et moi, je crois. Voilà, mais ça. Cyril a le jeu complet, et nous, on a essayé la démo japonaise, parce qu'il y a une démo sur le store japonais du mode VR. Pour rappel, le mode VR, donc il y a 1h30 de contenu uniquement pour donc Ace Combat qui est vendu 70€ et il propose 3 missions de 20 minutes environ chacune, c'est ça hein, C'est pas de bêtises. 20 minutes, 30. Après, 20, 30 minutes, en fonction des. Ouais, tu peux très bien voler pendant 20 minutes et attaquer après. Ça peut durer plus longtemps, mais bon. Oui, parce qu'il y a un mode libre, vol libre aussi, il me semble. Il y a un mode libre, et puis avant de rencontrer les premiers ennemis, tu peux très bien rester sur ta zone, ne pas aller sur la zone de... Juste pour te faire plaisir, tu peux juste faire des rasmotes sur les îlots, tu peux gagner du temps. Après, les trois expériences, tu peux aller une demi-heure par expérience, un peu plus peut-être, plus le mode libre. Voilà. Sachant que deux expériences sur trois sont en mode spectateur aussi. Et donc, sur la démo, on peut tester une mission d'action, où on est donc dans l'avion. Et en fait, pour le coup, c'est très frustrant parce que c'est bien. Et on se dit que c'est vraiment dommage, pour être poli, que le jeu ne s'est pas fait entièrement en VR, parce qu'il est assez propre, enfin, il est très propre graphiquement, les sensations sont bien, et il n'est pas... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il donne pas trop la nausée. Ouais. Il se supporte bien. C'est balèze, ça, hein, parce que se prendre des jets comme ça en VR, à mon avis, ça doit bien scotcher. Hein. Ouais, et puis se retourner, c'est vrai, quand tu fais un tour sur toi-même pour éviter un missile ou autre. Bon, je pense qu'il faut être quand même un minimum habitué, et si tu commences par ça, ça va pas le faire. Mais par rapport à un jeu d'avion, pour avoir essayé d'autres choses comme Ultra Wings ou Megaton Rainfall, bon, c'est pas en avion, mais c'est dans les airs, pour le coup, je trouve qu'il est... Plus confortable. Il est bien, bien optimisé, ouais. D'accord. Et donc, après, la démo a un temps limité, donc on va commencer à s'orienter vers les ennemis, et puis... On va commencer à en détruire 2-3 et puis ça va s'arrêter d'un coup comme ça. Donc c'est vrai que c'est. Oui. On n'a pas le temps de se rendre énormément compte, mais je l'ai faite. J'ai dû la faire 3 fois. Oui. Donc. Parce que j'aimais bien et puis parce que j'étais frustré. Donc. Mais en fait, c'est un jeu. Je sais pas, on n'a pas encore fait le test, mais. Sachant que nous, on parle bien sûr que de la partie VR. Je pense qu'au niveau de la VR, il ne vaudra pas le coup à 70€, ça c'est sûr. Après, la partie VR en elle-même, si on met le prix de côté, je pense qu'elle sera très très bien. C'est juste que le ratio prix, heure de jeu, est quand même un peu trop limite. Quoi. Et plutôt énorme même. Ouais, c'est ça. Mais pour 15€, voilà, le jour où il sera 15€ en promo, si vous êtes intéressé surtout par la partie VR, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais... D'accord. Ça aurait été tellement plus simple qu'il soit mauvais. C'est vrai. C'est ça. Mais malheureusement, en fait, c'est comme on le dit depuis des mois maintenant, on sait que ça va défoncer, on sait que ça va être frustrant, et il sort, et effectivement, il défonce, et c'est frustrant. Et il défonce d'autant plus que Ace Combat 7, je l'avais testé à la Paris Games Week en 2017. C'était la même démo que la démo japonaise qui était à la Paris Games Week. Et donc, tu n'avais pas les nuages, tu n'avais pas les petites gouttes de condensation quand tu passes dans un nuage. Tu n'avais pas les îlots, donc tu avais finalement le ciel et la mer. Et finalement, j'avais dit, ouais, ça a l'air bien, mais... Et là, j'étais parti dans cette idée-là, et quand j'ai vu la démo, à la fin de la démo, j'étais dégoûté. J'ai dit, putain, un jeu comme ça, full VR, mais c'était le carton assuré. C'est clair. Et là, tu poses, tu dis, je vais la refaire. Et puis après tu te dis, bon, allez, 70€, mais ça vaut le coup, c'est à faire. On peut pas dire que... mon regret, c'est qu'ils sortent pas à 15 ou 20 balles les trois missions en VR. En stand-alone. Ils le feront pas, mais à 20€ les trois missions, je dis allez-y. Ouais. Je pense même que ça se vendra beaucoup plus dans la communauté PSVR avec ce modèle économique-là qu'en boîte plein pot. Quoi. C'est clair. C'est ça. Bon, Nemco, si vous nous entendez. C'est clair parce que c'est des jeux qui a sa communauté de fans, les gens qui aiment les avions de chasse, les gens qui aiment ce genre de jeu. Typiquement, c'est un jeu, moi, je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais acheté ça pour jouer sur la PS4 à un jeu comme ça, c'est pas mon style. Par contre, en VR, on a envie de tout essayer. On a envie d'essayer ce que ça fait de piloter un avion de chasse. On a envie, et c'est là où la VR prend tout son sens, c'est qu'elle nous ouvre les portes de jeux qu'on n'aurait pas pris en PS4, on les prendrait là. Et là, on a le blocage en se disant mince, je vais pas acheter un contenu VR pour 70€ alors que je vais pas jouer à la partie PS4. Mmh. On a le même symptôme que sur GT Sport. Sur Battlefront, bien que sur Battlefront, c'est différent, parce que maintenant, tu le trouves à 5€, même passé un temps, il me semble. Mmh. Donc, le problème est plus là sur Battlefront. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'ils ne séparent pas la VR. Et... C'est ça, ils devraient. Non, mais c'est montrer qu'on sait faire des trucs comme ça en VR. Battlefront, tu pourrais en faire un jeu de 5 heures sans aucun problème. Mmh. On adorerait tous. Combat 7, ils ont finalement avoué que la partie VR c'est en fait un autre moteur. C'est pour ça qu'il n'y a que 3 missions. Ils n'ont pas pu rendre tout le jeu compatible comme Resident Evil. Mmh. C'est donc faute de temps, de moyens pour la VR. Mmh. Faute d'avoir envie de s'investir aussi peut-être dedans, pour le moment en tout cas. C'est pas l'envie de s'investir, parce que je suis sûr que tu en parles aux développeurs, ils sont tous à fond en VR, hein. Dans les écoles de jeux vidéo, je connais quelqu'un qui est à Angoulême, à Noël ils ont tous eu un casque, hein. C'est pas le souci, c'est plutôt le financier qui parle, c'est que pour l'instant ils vont pas investir, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le même problème. Ok. Et c'est marrant parce que un petit studio d'indépendant, il a tout à sacrifier, il va prendre tous les risques parce que il sait que c'est peut-être comme ça qu'il va se faire connaître. Les gros, ils ont déjà du cash et eux, ils vont réinvestir de l'argent dans quelque chose qui va rapporter. Donc c'est une autre philosophie. D'accord. Bon, donc c'est tout pour Escombat 7. On va passer directement à un autre jeu que Cilion est allé voir directement les développeurs à Hanovre. C'est cela. Yeah. Ouf, putain, je me suis pas planté, ouf. Et donc c'est Eden Tomorrow, et tu vas nous en parler, Cilion. Et oui, je suis allé rendre visite au studio Soulpix, et j'ai été accueilli par Frank, Zenholz et Nils, à Hanovre, donc, dans leur bureau. Mmh. Donc une grande pièce avec plein de PC partout, des immenses écrans, les écrans les plus larges que j'ai jamais vus, enfin les plus larges, ouais, les plus larges que j'ai jamais vus. Et donc, j'ai été accueilli par quelques petites VR, comme tu dirais, des VR. Puisque, en fait, la démo venait juste sortir sur le store australien, donc ils étaient tout fous. Donc, on a commencé bonne ambiance sur le balcon, à se réchauffer en buvant un verre. Et ensuite, j'ai enchaîné directement sur la démo pour vraiment savoir de quoi j'allais parler avec eux. Et donc j'ai fait la démo que tout le monde a pu faire aussi en public, qui est sortie, je crois, 24 heures après. Et donc voilà, et puis après donc on a pu faire l'interview. Donc voilà, Eden Tomorrow, c'est un jeu d'aventure, action, qui joue tout son gameplay sur la dualité entre un petit robot, un drone assez bavard au début, mais qui se calme après, très expressif, assez drôle, doublé par une petite vedette allemande d'ailleurs, dans sa version allemande. Et donc un cosmonaute qui est devenu amnésique suite à son crash sur une planète inconnue, hein, très far point dans le scénario. Et même dans l'aspect un petit peu, en tout cas au début. Hein. Tout à fait, ouais, ça se ressemble pas mal. Voilà, c'est un rêve de gosse aussi, Eden Tomorrow, parce que en ayant rencontré donc Franck, qui a créé le projet de A à Z. À la base, Soulpix, c'est une boîte qui fait des effets spéciaux pour des films publicitaires aussi, en Allemagne, donc. Et voilà, il a découvert le VR, il a craqué, il a tout de suite voulu faire un jeu et faire un truc enfin à lui. C'était important aussi, il en avait un petit peu marre de toujours exprimer les idées des autres et de ne pas pouvoir s'exprimer lui-même. C'est très proche de lui, les photos, le personnage, finalement, c'est lui-même dans le jeu. Et c'est plutôt bien réalisé, quoi. Moi, je me suis laissé emporter par le jeu, donc je suis conquis. Il faut mettre en avant des petits studios comme ça qui démarrent en VR, européens qui plus est. C'est des gens qui ont du talent, donc voilà. Eden Tomorrow, c'est gratuit, la démo est disponible. Donc téléchargez là, ça dure une bonne demi-heure, c'est sympa. La démo est gratuite, hein. Oui, la démo, j'ai dit. La démo, oui, la démo est gratuite. Ouais. Alors, il y a eu des retours, il y a eu forcément, comme d'habitude, des commentaires sur la démo, qui disent que c'est mou, c'est nul, c'est voilà, etc. Tous ces gens-là, il faut toujours rappeler que c'est une démo. Rappelez-vous de The Persistence, les critiques qu'il avait eues quand la démo était sortie, et quand on a vu le jeu en version finale, ça nous a fait tout drôle. Donc, alors la démo, moi je l'ai fait, celle d'Eden Tomorrow. Ça fait penser un peu à Robinson. Hein, c'est un mélange entre Farpoint et Robinson, où tu vas te balader. Mais après le jeu global, tant qu'il n'est pas sorti, il va y avoir des améliorations, il va y avoir des choses comme ça. Et c'est vrai que. Il y en a, ils font la démo et ils disent c'est clair, j'en veux plus quoi. Et je me souviens de Persistence quand il était sorti, le nombre de critiques qu'il avait pris. Mais la démo est là pour ça aussi, et je pense que de par son aspect, en tout cas quand on le regarde vraiment de très très loin, ça fait malheureusement, ou heureusement je sais pas, penser à Farpoint, et le problème c'est que c'est pas un shooter. Eden Tomorrow aussi. Et non, c'est pour ça que je parle de Robinson. C'est ça, c'est un truc pacifiste, ouais. D'énigmes, d'exploration, et voilà. Donc forcément, les gens qui trouvent ça mou, est-ce qu'ils pensaient que ça allait être jouable à l'aim controller et qu'ils allaient pouvoir défourailler je ne sais du quoi. Du FPS. Voilà, c'est ça. On veut du FPS. Faut qu'il y ait... Ouais, mais vous qui avez fait la démo, vous n'êtes pas intrigué par l'histoire? Pour une fois, moi, l'histoire, je la trouve très mystérieuse, je n'ai rien comprendre là. Moi, perso, c'est typiquement le style de jeu où je vais le faire. C'est clair. D'arriver sur une autre planète, de sortir de mon salon après le boulot et de mettre ça sur la tête et puis de me retrouver sur une autre planète, je vais apprécier, c'est sûr. Au niveau de la réalisation, on va dire que la démo, c'est un petit peu tout dans le même environnement. Y a pas de grande variété dans les décors. Mais bon, c'est pareil, tu joues pendant la démo, elle dure combien de temps? Un quart d'heure? À peu près. Donc, je suppose qu'il y a un moment où tu vas sortir de ces grottes et que tu vas arriver devant des paysages, devant des choses, puis tu vas rencontrer des bestioles. Il y a quand même de la baston, hein, c'est pas du Robinson, il y a quand même des bestioles qui sortent de terre, il y a quand même des vers, il y a des trucs, il y a quand même des gros trucs. Donc. Moi, c'est clair que celui-là, quand il sort, je suis trop curieux pour pas le prendre. Et toi, Sébastien ? Ouais, j'ai fait la démo aussi. Et alors, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes. Après, j'ai pas été non plus subjugué, mais à voir. Ouais, je suis curieux. D'accord. Bon, ça peut être sympa, mais je pense pas que ce sera quand même une claque au final. Mais ça peut être un jeu sympa. D'accord. C'est mon avis. D'accord. Moi personnellement, en fait, c'est de l'aventure et d'exploration, et comme j'adore ça, je pense que je vais quand même tenter le coup. Rien que pour la proposition initiale, pas forcément attiré par le shoot systématique. Donc ouais, si, il m'intrigue en tout cas, il m'intrigue. Et ben voilà. Donc voilà. Wait and see, certainement au mois de mars. Mm-hmm. Eden Tomorrow. Ok, ça marche, et bon, on verra ça le moment venu, comme d'habitude. On va terminer avec Laurent, avec une adaptation, une option, un bonus en VR, sur une grosse licence que beaucoup de joueurs, pas nécessairement en plus VR, même sur PS4 classique, attendent avec grande impatience. C'est, tu vas nous le dire, tiens Laurent. Kingdom Hearts 3, avec Cillian. Parce qu'il a son petit mot à dire sur la démo. Ouais. Et du coup, voilà, explique-nous un petit peu ce que c'est. Alors, Kingdom Hearts 3, c'est forcément c'est la suite des épisodes 1 et 2 qui étaient sortis respectivement. Alors, aidez-moi, sur quelle console? Sur la PS3 PS2. PS2, la première. Et plus, ouais. Tous les spin-offs interminables, ultra compliqués, ouais. Qu'il y a eu aussi sur... Et les remasters aussi. Et les remasters, et qu'il y a eu sur les consoles portables, sur même des smartphones, je crois qu'il y en a eu certains. Voilà, c'est un foutoir à suivre. Alors c'est du RPG dans lequel on va retrouver pas mal de personnages de Disney, parce qu'il y a Disney, ça reste une licence japonaise, mais ils ont essayé de séduire le marché américain dès le départ en signant un contrat avec Disney et en intégrant des personnages connus de tout le monde, des personnages de Pixar, les princesses Disney, tous les univers de Disney, où chaque niveau va être dans un monde différent, connu en fait. De Disney. Mais par contre, tu as une une histoire globale sur l'ensemble où tu vas avancer, tu vas passer d'un niveau à l'autre, tu vas être notamment dans le 3, bah, tu vas passer dans les Pirates des Caraïbes, et puis derrière tu auras Monster et compagnie, tu auras Toy Story, tu auras Réponse, tu auras La Reine des Neiges, il y en a d'autres, hein, j'ai vu qu'il y avait aussi Ralph Lacasse, j'ai vu qu'il y avait, donc il y a tout cet univers Pixar Disney. C'est la première fois qu'on voit des personnages de Pixar dans un Kingdom Hearts, et c'est globalement, c'est une grosse licence, c'est un gros jeu, c'est quelque chose qui était attendu. Et ce qui est choquant, vraiment la polémique sur ce titre, c'est qu'il n'y a pas deux versions françaises, alors que le 1 et le 2 étaient doublés en français. Sur PS2. Sur PS2. Donc les gens qui ont déjà fait le 1 et le 2 l'ont fait en français, et là, ben, quand ils se sont pris, il y a eu même une pétition qui est quasi terminée, qui doit être à 25 000 signatures, pour demander une version française audio sur le titre. C'est d'autant plus choquant que c'est un jeu qui est PEGI 7, donc présenté pour qui sera aussi pour les enfants. Alors autant il va y avoir tous les gens qui vont dire t'as qu'à apprendre l'anglais, les plus jeunes qui sont fans de Réponse et de La Reine des Neiges et de tous ces personnages de Disney, mon fils, je l'imagine dessus, dès la première phrase en anglais il va zapper, il va pas y jouer, il va décrocher, donc, il va pas s'amuser à lire les sous-titres, quoi. Il va décrocher de suite, et c'est là où, à mon avis, quand on voit que tous les Final Fantasy sont doublés français, ça aurait été bien qu'il le fasse, surtout pour ce type de jeu. Donc c'est un petit coup de gueule là-dessus. Après il sera sous-titré français, c'est déjà ça, mais encore une fois, un enfant ne lira jamais assez vite, donc il va décrocher. Ça me rappelle un petit peu les Minecraft Story. Ça s'appelait comme ça, c'était Minecraft Telltales, Story, ouais, qui était sorti, ouais. En général, enfin, ils sont tout le temps en VO, les Telltales, et même sous-titrés anglais, voilà. Plusieurs épisodes en tout cas, qui ont été sous-titrés en anglais, et c'était les fans qui proposaient les traductions en français avant même le studio. Voilà, ouais. Et à partir de la saison 2, ils ont traduit en français. Parce que justement, ils se sont aperçus que c'était des enfants qui jouaient à ça, et la plupart n'ont pas fait la saison 1 parce qu'ils n'y comprenaient rien. Bah ouais. C'est donc, un peu dommage. Mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de pourquoi est-ce qu'on en parle ici? C'est aussi parce qu'il y a une expérience donc en VR qui est proposée avec le jeu. Ah bah oui, voilà. L'expérience donc, VR. Là, c'est Cécile Yonge qui en a parlé sur le site. Donc vas-y, je te laisse. Au lieu de faire l'expérience VR de Kingdom Hearts, il aurait mieux fallu faire les doublages en français pour la version plate. Mettre parce le budget de la version VR vers les traductions, quoi. C'est clair, plutôt que de faire en exclusivité sur PlayStation VR. Un truc tout pourri. Cette expérience de merde, il faut quand même le dire, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. En japonais exclusif, c'est même pas encore sous-titré en anglais, enfin même pas doublé en anglais. Mm-hmm. Tu te demandes vraiment, quoi, pourquoi faire ça? Pourquoi j'ai vu les vidéos, la vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Ça a l'air vraiment naze, hein. Enfin, il y a un morceau de l'intro, je crois, de Kingdom Hearts 1 qui est dedans. T'as des vidéos en aplat dessus. C'est pas sexy, hein. Oui, c'est gratuit, mais bon. Mais ouais, c'est un spot publicitaire pour lancer le jeu, peut-être. Je sais pas exactement. Oui. Quel est l'objectif quand ils font ce genre de choses? À un moment donné, tu passes dans un tunnel avec plein d'images partout. C'est horrible à regarder. L'effet est loupé. C'est horrible. Vraiment, c'est plein de mauvaises idées. Le coucher de soleil, il n'y a pas trop d'aliasing, ça va, ça reste correct, mais aucun intérêt. D'accord. Encore une fois, il aurait mieux fallu avoir un doublage à la place. Et même quand t'es fan hardcore de la série, parce qu'on sait qu'il y en a quand même beaucoup qui sont vraiment fans de cette série depuis l'époque, oui. Tu penses qu'ils ont vraiment rien à trouver, un petit peu de plaisir quand même, même nostalgique? Bah non, même Dingo et Donald dans le jeu spatial, tu les vois pas bien, il faut vraiment te pencher, te tourner complètement pour essayer de les voir, qui sont loin en plus. c'est raté. Bon. Non, quelqu'un d'autre l'a fait. Non, je l'ai pas fait encore celui-là. Non, pas encore. En tout cas, tu nous l'as bien vendu. Je pense qu'on est très tenté d'aller la télécharger. Exactement. Juste après. Le jeu sort le mardi 29. En version, ah oui. Donc on va la voir. Ah mais j'ai japonais ce jour-là, c'est con. T'as japonais. Mais le jeu c'est vraiment dommage parce qu'il est sympa. Hein. Mais encore une fois, je sais pas, je comprends pas. Autant sur du jeu adulte, je peux comprendre qu'il se limite à des sous-titres. Et au contraire, c'est même bien parce que ça te force un peu à développer ton anglais, autant sur un titre qui va intéresser quand même une partie de la communauté adulte, mais qui va aussi intéresser une grosse partie de plus jeunes. Ça devrait être indispensable pour les enfants. Mais à notre époque, Laurent, quand on était jeune, on jouait bien à des jeunesses et c'était tout en anglais et puis on se débrouillait. On s'amusait d'à rien. Oui. Alors, ça peut se comprendre dans la mesure où finalement tu vas fighter du début à la fin. Et dans ce cas-là, t'as pas besoin finalement de comprendre. Mais il y a quand même toute une trame scénaristique tout le long entre les parties de fight, entre les niveaux où les enfants vont rien comprendre à l'histoire. Non. Et en plus, voilà la complexité du scénario des Kingdom Hearts, hein. C'est un truc de barjou, hein. même en français, avec tous les épisodes en plus qu'il y a à droite et à gauche, enfin maintenant qui sont trouvables dans les versions HD en anglais aussi sur PS3 ou PS4 aussi, il me semble. Tu prends déjà le train en route avec Kingdom Hearts 3 tout en anglais quand t'es gosse, enfin voilà. Si tu vas voir Mickey, tu vas voir Donald, ça va te faire marrer, mais c'est ça. Complètement passer à côté du truc. Faut se mettre à la place d'un enfant de 7 ans. Qui va avoir ça en cadeau et bah, il va retourner sur Fortnite. Voilà, il n'y a que ça à faire. C'est ça. Bon, bah, c'est dommage. Vous avez autre chose à rajouter, les gars, ou pas? Oh non, qu'on l'oublie. Hein. Qu'on l'oublie. En tout cas, l'expérience. Hein. Après, le 3, il doit être très bien. Hein. Bah, mais il a l'air quand même vraiment bien, en tout cas. Le jeu en plat, il a l'air vraiment cool. Ah bah, le jeu en plat doit être bien, ouais. C'est un coup de gueule sur cette version française, voilà. Mais, et la version VR, on l'oublie carrément. Quoi. Un jeu qui ne vaudra que pour sa version plate. Et d'ailleurs, les jeux en plat, vous jouez à quoi, Laurent? Quelle transition. Les jeux en plat, en ce moment, Dreams. Dreams. Putain, bien joué. Bien joué, c'est malin, ça. Bon, bah du coup, t'en as déjà bien parlé, on va pas non plus encore. Voilà. Sillion, tu joues à quoi, toi? Oh, tu m'emmerdes avec tes questions sur les jeux plats. Franchement, je sais que c'est ta partie non, préférée. Non, je joue pas du tout en plat. Non, non. La dernière chose que j'ai fait, c'était Kingdom. Des œufs. Et avant, excellent. S-Combat. Non, non, je vais te laisser faire la blague, Sébastien. Et toi, Sébastien, à quoi tu joues en plat? Moi j'ai fini récemment Shenmue 1, je me suis refait Shenmue en remaster. Un homme de goût. Ça a pris un petit coup de vieux, parce qu'il est pas, ils ne sont pas cassés le popotin non plus pour le refaire. Mais j'ai pris plaisir parce qu'il y a le côté nostalgique et que c'est un très bon jeu quand même. Mmh. Et même s'il y a plein de choses qui ont mal vieilli, c'est toujours agréable de refaire Shenmue. C'est le classique parmi les classiques. Moi, je les ai encore sur Dreamcast, là, les versions originales. Ouais. J'ai pas pris la version, les versions HD. Je crois qu'elles sont traduites en français, elles, d'ailleurs, non? Oui, tout à fait. J'ai la version 1 et 2 en HD. Mmh. Et effectivement, les langues sont en anglais, mais sous-titrées français. C'est le seul truc qui me ferait vraiment prendre cette version-là, parce que je crois que le premier était en anglais, et je crois même le deuxième aussi, il me semble, je sais plus. Mais c'est... Ouais, comme les Yakuza, en fait, c'était sous-titré en anglais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est quand même la belle période de Sega, quoi. Quand ils prenaient des risques, qu'ils avaient de l'ambition, et puis qu'ils ont coulé aussi à cause de ça, hein, faut pas se leurrer, hein, parce que ça coûtait trop de pognon, et ça les a mis vraiment dans la banqueroute. C'était un gros coup dur. Et voilà, et on en revient à la discussion de tout à l'heure, justement, pourquoi les gros studios, ils prennent pas du coup la peine de sortir Ace Combat 7 entièrement en VR. C'est... Grosse prise de risque. Pour ce genre de choses, voilà, grosse prise de risque. C'est vrai, l'histoire se répète. Moins rentable. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est une excellente vente, hein. Ace Combat 7, record au Japon, en Angleterre. Ah oui, oui, deuxième. En PS4, j'en doute. Ah ouais. Il est pas en rupture de stock un peu partout, en plus. Là, tu peux le télécharger, non? Ouais, tu peux le télécharger, mais moi j'aime bien avoir la version boîte. J'ai regardé un petit peu. Et rupture de stock de partout là en ce moment. Je suis assez... En même temps, c'est une grosse licence. Hein. Depuis, ça a débuté sur PS1. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ils ont le temps de. C'est le 7e, ils ont le temps de créer une bonne fanbase derrière. Ouais. Mmh. Mmh. Je suis quand même étonné. On le répétera jamais assez, mais concernant le test qui va arriver sur Ace Combat 7, on ne note que la partie VR, vu qu'on est un site spécialisé VR. Donc c'est sûr que le jeu aura peut-être 8 ou 9 sur 10 de partout. Il ne faut pas s'étonner en le voyant sur VR4Player avec une note bien inférieure, parce qu'on va noter justement le rapport, on sera bien obligé de descendre la note par rapport au rapport qualité-prix-contenu. Où on n'a que très peu de quantité pour 70€ en VR, uniquement en VR. Faudra vraiment mettre des encadrés en rouge. Dans le test, ce sera bien précisé. Il y aura justement un gros encart rouge qui clignote pour préciser. Ah non, ça. Pas qui clignote. Et si on fait des vidéos en rose. Si on fait des vidéos, faut aussi mettre la même plaque, mais dans toutes les langues aussi. Hein. Très important, parce que sinon on va se faire sniper. Hein. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, le test de Kingdom Hearts, on le fera en anglais. Et on ne le traduira pas. D'accord. Ouais, c'est concept. Hein. Pourquoi pas. Dans ton anglais. En japonais avec Google Trad. Ça va être moi, ça. Je veux bien ça. Vous entendre parler japonais. Hein. Konnichiwa, Sébastien San. Moi, c'est tout ce que je sais dire. On dirait un vieux manga. moi du coup en plat je vais pas vous parler du jeu auquel je joue en ce moment mais plutôt de la démo événement qui est sortie dernièrement, Resident Evil 2 qui va pas tarder à sortir, qui sort dans quelques jours, on enregistre le 24, je crois qu'il sort le 26 ou le 28, un truc comme ça. Gros fan du jeu d'origine, donc du coup je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner sur cette nouvelle mouture. Donc c'est un remake total avec la vue troisième personne qu'on connaît depuis Resident 4. Non VR, contrairement à Resident 7, pour de basses raisons de flemme, hein, parce qu'il faut pas me faire croire que ce genre de jeu serait pas adaptable en VR. Donc c'est une démo qui dure 30 minutes, qui est chronométrée. Tu commences donc le début de l'aventure, enfin un petit peu après le début de l'aventure, avec Léon, quand t'arrives dans le commissariat. Au bout de 30 minutes, en fait, voilà, la démo se coupe et tu perds jouer à moins d'avoir un compte étranger avec le jeu téléchargé sur ta console, et donc tu peux faire une deuxième partie si tu veux. Ça, c'est une petite astuce. Globalement, j'étais un petit peu déçu, en fait. Je joue sur PS4 normal, je l'ai pas trouvé ouf graphiquement. Je vais le prendre, je suis un gros fan des Resident, donc malgré le fait qu'il soit pas en VR et malgré le fait aussi que je connaisse déjà l'histoire, même s'il y aura certainement des petites modifications par rapport au matériau d'origine, j'étais un peu un petit goût amer en fait derrière. Il est sympa, il y a des bonnes idées, mais je trouve ça a vieilli en fait. Moi il y a deux trucs qui me refroidissent, c'est le Tyrant qui te suit partout, ça doit être chiant à un moment donné. C'est pas le tyran, c'est Monsieur X, je crois. Enfin bah, bref, c'est le même principe. Pardon, Monsieur X. Et aussi donc ça, et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, le fait que donc il y a deux personnages et que ce que tu fais avec l'un et que tu reprends avec l'autre, il faut que tu le refasses. C'est-à-dire que les boss, il faut que tu les tapes deux fois. Donc oui, y a pas... c'est très arcade quelque part dans le scénario là. Normalement, t'as certaines énigmes en fait qui sont. J'ai pas testé les jeux encore définitif, hein, mais de ce que j'avais lu, t'as des énigmes en fait que tu fais déjà avec Léon, et sur le deuxième scénario sur la suite avec Claire, tu dois refaire les mêmes énigmes un petit peu modifiées, et du coup ça enlève un petit peu de la cohérence du scénario, ce que je veux bien croire. Après, je suis pas certain que tu doives te taper les mêmes boss ni quoi que ce soit. Normalement, c'est comme dans le jeu d'origine, c'est un entrelacement en fait des histoires. Les personnages passent leur temps à se croiser et puis à suivre le même objectif, mais par des chemins un petit peu différents, quoi. Même si t'es dans le même lieu, tu te croises de temps en temps. Je suis curieux, je pense que je le prendrai quand même. J'espère que le jeu sera meilleur que la démo, quoi. La démo, je l'ai trouvé un peu molle, un peu old school. Un peu trop old school en fait. Et quitte à jouer à un jeu old school, moi je préfère encore jouer au jeu d'origine, perso. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Resident 2. Mais il a l'air bien sympa, ouais. Ouais, il est pas dégueu, mais bon, bref, on verra avec le produit fini, en tout cas. C'est tout, messieurs ? Eh ben... Rien à rajouter. Rien à rajouter ? Je crois pas, non. Un dernier mot, Sébastien ? C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est ton dernier, dernier mot. Un dernier mot, truite. Voilà. Truite, c'est pas mal, Cilion ? Pas mieux, non. Pas mieux ? Ok, parfait. Donc, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube, sur le site vrplayer.fr, sur Facebook, avec toute la communauté qui est bien sympa. Vous pouvez écouter le podcast sur PodCloud, sur iTunes. Et laissez donc des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur la page dédiée sur le site vrplayer.fr pour communiquer un petit peu avec nous, et ça nous fera plaisir de vous répondre. Et puis voilà, et puis on va se dire au revoir maintenant. Ah bah, au revoir. Au revoir, Say. Au revoir tout le monde. Au revoir maintenant. Au revoir maintenant. Ciao tout le monde. Allez, salut tout le monde. Au revoir maintenant, oui. Au revoir maintenant. Allez, ciao. À bientôt, ciao.